C'est l'un des plus beaux pays du monde, un véritable paradis aux paysages idylliques, adossé à l'Himalaya, le Cachemire. Pourtant, depuis plus d'un demi-siècle, cet ancien royaume est coupé en deux par une ligne de contrôle militarisée, une horrible balafre de l'histoire, pour reprendre les mots de l'écrivain Salman Rushdie, qui est lui-même à demi cachemiri. Deux États, deux frères ennemis, l'Inde et le Pakistan, se partagent en effet le Jammu et Cachemire depuis 1947. C'est-à-dire depuis le moment où le colonisateur britannique a décidé de la partition du sous-continent indien. Au nord, le Pakistan, créé sur une base religieuse, c'est-à-dire musulmane. Au sud, l'Inde laïque. Quant au Cachemire de 1947, c'est un pays grand comme une petite moitié de la France, semi-autonome, en majorité musulman, mais gouverné par un Maharaja hindou. Dès l'indépendance indienne et pakistanaise, des troubles éclatent, fomentés par des musulmans qui réclament le rattachement au Pakistan, avec le soutien armé de ce dernier État. Devant cette menace, le souverain cachemiri décide d'en appeler à l'Inde, l'Inde à laquelle il va rattacher son pays. L'Inde qui ne demande pas mieux que d'intervenir militairement, car elle a également des vues sur le Cachemire. Ainsi commence la première guerre indo-pakistanaise, qui n'aura pour seul résultat que la partition du Cachemire et l'occupation militaire par les deux armées de chaque côté de la ligne de cessez-le-feu. Une situation qui perdure encore aujourd'hui. L'Inde, estimant être dans son bon droit, puisque c'est le souverain cachemiri qui a décidé du rattachement de son pays à New Delhi, et le Pakistan revendiquant de son côté la tutelle du Cachemire, étant donné qu'il est peuplé majoritairement de musulmans. Et Islamabad n'a cessé de réclamer la tenue d'un référendum. Enfin, il faut souligner que ce conflit latent qui a déjà provoqué la mort de dizaines de milliers de cachemiris alimente aussi le terrorisme international. Monsieur X le disait la semaine passée, les terroristes qui ont récemment ensanglanté Londres avaient été entraînés par une organisation, l'armée des purs, qui lutte au Cachemire contre la présence indienne. Monsieur X poursuit son récit. Une nouvelle guerre indo-pakistanaise, la troisième, va éclater en 1971. Et pour une fois, le Cachemire n'est pas en cause. Ah oui, c'est la question du Bengale. Oui, oui. Le Pakistan oriental qui va devenir le Bangladesh à l'issue de cette guerre. Mais je résume. À la fin des années 60, la révolte gronde dans cette région. D'autant plus que cette région est séparée du Pakistan occidental par une distance considérable. Ah oui, plus de 1000 kilomètres. Et les habitants ne se sentent rien de commun avec le Pakistan occidental. Ouais, ils demandent donc leur indépendance. C'est ça. Et après avoir obtenu une incontestable victoire dans les urnes, ses opposants bengalis lancent un appel à l'indépendance. Mais à Islamabad, on n'est pas d'accord. Et la réaction est très violente. À l'initiative du Premier ministre, Ali Bhutto, l'armée pakistanaise va se livrer à un véritable génocide contre les séparatistes bengalis. On comptera des centaines de milliers de victimes. Et ce massacre conduit l'Inde à intervenir. Là, pour des raisons humanitaires. Certainement, hein. Mais pas seulement. D'abord, l'Inde doit accueillir de très nombreux réfugiés. Ensuite, à New Delhi, on ne doit pas être mécontent de donner une nouvelle leçon au Pakistan. Quoi qu'il en soit, l'intervention massive des forces indiennes est efficace. Et un cessez-le-feu met le fin au combat. Alors, si je comprends bien, c'est une nouvelle défaite, la troisième, hein, je crois, de l'armée pakistanaise. En effet. Toutefois, Indira Gandhi évite de pousser son avantage. Et les nationalistes indiens le lui reprocheront longtemps. C'est-à-dire ? Eh bien, le premier ministre indien aurait pu profiter de la défaite d'Islamabad pour conquérir les régions cachemiries contrôlées par le Pakistan. Mais non. Indira Gandhi, sagement, en reste là. Et se contente de quelques gains territoriaux. Enfin, le résultat majeur de tout ça, c'est la création du Bangladesh. Et une nouvelle raison pour les Pakistanais de haïr leurs frères indiens. Pourtant, paradoxalement, on va assister peu de temps après, en 1972, à une vraie tentative de rapprochement entre les deux pays. Pour régler la question du Cachemire ? Oui. Ali Bhutto et Indira Gandhi se rencontrent dans une station himalayenne, Simla. Indira Gandhi, qui est alors forcément, après la guerre, en position de force. Bah, évidemment. Et elle impose sa volonté, c'est-à-dire la reconnaissance par le Pakistan de la ligne de contrôle qui sépare le Jammu et Cachemire. Une ligne de contrôle est plutôt bien dessinée pour l'Inde. Hein, ouais. Oui. D'autre part, Bhutto renonce à réclamer un référendum. Enfin, les deux leaders se mettent d'accord pour régler à l'avenir leurs différends par des moyens pacifiques. Oui, mais est-ce que cette négociation, là, peut réellement déboucher sur la paix? Non. Non, il faut d'abord observer que les Cachemiris n'ont pas été associés à cette réunion. Ah oui, alors on a parlé de leur pays sans leur demander leur avis, quoi. Eh ben oui. Et d'autre part, vous le signaliez, Buteau affaibli a dû avaler toutes les couleuvres indiennes. Et il est à peine de retour dans son pays qu'il déclare que si le peuple cachemiri se révolte contre l'occupation indienne, il trouvera le Pakistan à ses côtés. Ouais, donc, par conséquent, rien n'a vraiment changé. C'est exact. Buteau, qui voulait peut-être sincèrement aboutir à la paix, doit tenir compte de son opinion et surtout de la toute-puissance de l'armée pakistanaise qui détient réellement le pouvoir. Ouais, l'armée, il faut le rappeler, qui finira par le chasser. Mais le mettra à mort. En tout cas, ces accords de Simla, si contestés qu'ils soient, en Inde par les nationalistes, au Pakistan par les militaires, vont tout de même apporter une paix relative au Cachemire pendant plus d'une décennie. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Certes. D'autant qu'on observe de part et d'autre des signes de bonne volonté. Indira Gandhi, par exemple, renoue avec le lion du Cachemire. Ah oui, le Cheikh Abdullah, le leader cachemiri, qui a été emprisonné à plusieurs reprises. Un dirigeant particulièrement charismatique, mais pour revenir au premier plan et même redevenir chef du gouvernement cachemiri, Abdullah doit passer sous les fourches caudines du premier ministre indien. Il est en effet conduit à reconnaître que le Jammu et Cachemire est une unité constitutive de l'Union indienne. Mmh. Mais en contrepartie, alors, qu'obtient-il ? Une autonomie très relative, bien moindre en tout cas que celle qui prévalait en 1952, où seules les fonctions régaliennes relevaient de New Delhi. Bien sûr, à Islamabad, mais aussi dans la partie pakistanaise du Cachemire, on crie à la trahison. Il n'empêche que le vieux leader va gouverner son pays jusqu'à sa mort en 1982. Et il intronisera même son fils, Farouk, avant de disparaître. Mais celui-ci, beaucoup moins charismatique que son père, aura du mal à s'imposer. Mmh. Alors cette paix relative, avez-vous dit, hein, mmh, n'est donc pas sans nuage. Non. Régulièrement, dans l'une ou l'autre des régions du Cachemire, des troubles éclatent. Mais pour quelle raison? Oh, les raisons sont multiples et souvent religieuses, mais c'est surtout la tutelle indienne qui exaspère les populations. Une tutelle de plus en plus pesante et qui se double en outre d'une importante corruption. New Delhi favorisant outrageusement les élites au détriment des populations les plus pauvres. Toutefois, ce sont des événements extérieurs qui vont radicaliser les positions des uns et des autres. Ces événements, alors, quels sont-ils? L'Afghanistan, c'est ça? Oui, ouais, mais pas seulement. Alors, l'Afghanistan, parlons-en. C'est en 1979 que l'armée rouge envahit le pays pour venir en aide à un régime pro-communiste chancelant. Très rapidement, et avec l'aide de Washington, une rébellion armée s'organise et va, au fil du temps, porter des coups très durs aux troupes soviétiques. Une rébellion islamiste. C'est le djihad, la guerre sainte, contre les infidèles. Et on voit arriver dans les montagnes afghanes des moudjahidines originaires des pays arabes et musulmans. Et bientôt, vous le savez, un certain Ben Laden apparaîtra. Ouais. La conséquence immédiate, c'est cette radicalisation dont vous parliez. Oui, beaucoup de ces combattants véhiculent un islamisme de plus en plus fondamental et même sectaire. Et les États-Unis en seront les premières victimes. Car après avoir lutté contre l'armée rouge avec l'aide des Américains, ces moudjahidines, une fois la victoire acquise, se retourneront contre eux. Mais je ne vous apprends rien. Autre événement capital, le changement politique au Pakistan. Oui, c'est le renversement d'Ali Buteau. Et la prise du pouvoir par le général Zia-ul Haq. Zia est un islamiste, c'est-à-dire un musulman rigoriste qui va d'ailleurs généraliser la charia. Mais il joue surtout un rôle essentiel dans l'offensive de la guérilla afghane contre l'armée rouge. Car l'aide militaire états-unienne passe naturellement par le Pakistan. Oui, par les fameuses zones tribales à la frontière de l'Afghanistan. Et ce sont les services secrets pakistanais, l'ISI, qui coordonnent tout. L'ISI qui, à cette occasion, prend une importance considérable. À tel point que les services pakistanais vont devenir un véritable État dans l'État. Et qu'ils sont toujours, d'ailleurs. Mais enfin, on verra ça plus tard. Ouais, je veux bien, mais le rapport avec le Cachemire, là... Bien, toutes ces évolutions font en sorte qu'au Cachemire aussi, on voit apparaître des mouvements musulmans de plus en plus radicaux. La contagion, ça. Et une contagion qui n'est pas toujours spontanée, comme vous pouvez l'imaginer. L'ISI ne se prive pas d'aider ces islamistes intégristes qui vont pratiquer le terrorisme et semer le trouble au Cachemire indien. Et ça arrive au moment, le début des années 80, où New Delhi doit faire face à d'autres révoltes très inquiétantes en Assam ou au Punjab. Révoltes qui sont là encore encouragées, sinon soutenues, par Islamabad. Mmh. Et au Punjab, il faut le rappeler, la question sikh sera fatale à Indira Gandhi. Mais elle sera en effet assassinée par deux fanatiques sikhs en 1984. Par conséquent, les autorités indiennes sont de plus en plus inclines à utiliser la force dès que leur pouvoir est contesté dans ces régions périphériques. Y compris au Cachemire. Forcément. Et on va assister à une militarisation progressive du Jammu et Cachemire. Songez qu'on estime que l'Inde y déploiera près de 500 000 hommes, soit la moitié de ses effectifs. Et cette militarisation aboutit obligatoirement à la montée de la répression. Je reviens au récent et dernier roman de Salman Rushdie, Shalimar le clown. Roman, bien sûr, mais aussi document lorsque le grand écrivain évoque la situation du Cachemire. Ainsi, ces quelques lignes où il se met ironiquement dans la peau d'un colonel de l'armée indienne qui lutte contre les militants islamistes. Ces soldats étaient à cran. Ils comptaient leurs morts et soignaient leurs blessés, et le haut voltage de la guerre continuait de passer dans leurs veines. Ils avaient mené une guerre pour des gens ingrats, qui ne méritaient pas qu'on se soit battu pour eux. Une chimère inventée par l'ennemi se répandait dans la communauté majoritaire de la vallée. Le rêve d'une vie idyllique de l'autre côté dans l'état religieux. On ne pouvait pas expliquer les choses à ces gens. On ne pouvait pas expliquer les mesures prises pour leur protection en temps de paix comme en temps de guerre. Par exemple, les Cachemiriens n'avaient pas le droit de posséder de terres ici. Cette loi éclairée n'existait pas de l'autre côté, où de nombreuses personnes s'installaient, dont la culture n'était pas la culture cachemirienne. Des montagnards bourrus, des fanatiques, des étrangers venaient ici, ici. Les lois protégeaient les citoyens contre de tels éléments, mais les citoyens demeuraient ingrats, continuaient de réclamer l'autodétermination. Le Cachemire aux Cachemiriens, ce slogan stupide, était répété partout, peint sur les murs, collé sur les poteaux télégraphiques, suspendu dans l'air comme de la fumée. Peut-être que l'ennemi avait raison. La population ne convenait pas. Il fallait fonder une nouvelle population. La vallée devrait être vidée de tous ses habitants et rempli d'autres qui seraient reconnaissants d'être ici, contents d'être défendus. C'est dès 1965 que naît un mouvement clandestin anti-indien, le JKLF, c'est-à-dire le Front de Libération du Jammu et Cachemire. Mmh. Un mouvement qui prône la violence ? Oui, il perpètre des attentats et même des assassinats. Et en 1971, deux de ses militants détournent un avion indien. Puis, en 1984, le JKLF enlève un diplomate indien en poste à Londres. Une affaire qui se termine très mal. Par mesure de rétorsion, New Delhi fait exécuter un des leaders du front qui avait été arrêté et emprisonné. Aussitôt, pour venger leurs camarades, les responsables du kidnapping assassinent leur otage. À partir de ce moment, le militantisme cachemiri, teinté progressivement d'islamisme, devient de plus en plus violent. Et il est naturellement stimulé par la répression indienne. Mais ça, c'est un cycle infernal bien connu. Ce n'est pas un hasard si cette même année éclate un nouveau conflit entre l'Inde et le Pakistan, toujours à propos du Cachemire. Mmh. Alors, de quoi s'agit-il cette fois-ci ? Oh, d'une affaire proprement imbécile. Je vous explique. Je crois vous avoir dit que la ligne dite de contrôle qui sépare le Cachemire indien du Cachemire pakistanais s'arrêtait quelque part dans le massif himalayen à plus de 6000 mètres d'altitude. Mmh. Or, des observateurs indiens croient avoir remarqué la présence de militaires pakistanais sur un glacier, le Siachen, censé être indien. Aussitôt, New Delhi réagit. Mmh. Envoie des troupes ? Exactement. Et on va assister alors à une guerre de positions stupides sur ces hauteurs glacées où les hommes peinent déjà seulement à survivre. Alors, épisodiquement, les artilleurs quittent leurs abris et bombardent le front ennemi. Sans grand résultat. Évident. Les seuls morts seront victimes d'une avalanche. Mais, à la fois pour l'Inde et le Pakistan, le symbole est fort. Et c'est bien tout ce qui compte. Toutefois, c'est dans la vallée que les vrais événements se passent. Car le sentiment anti-indien monte en puissance. Tandis que de plus en plus de jeunes cachemiris rejoignent les groupes islamistes qui s'entraînent dans des camps basés au Cachemire pakistanais. Des militants qui repassent ensuite la frontière pour aller commettre des attentats dans le camp indien. Mmh. Ah, la frontière n'est donc pas étanche. Elle mesure, je vous le rappelle, près de 700 kilomètres et les soldats indiens ne peuvent pas la contrôler sur toute sa longueur. Donc, il est relativement aisé, surtout dans les zones montagneuses, de passer d'un côté à l'autre, même si ça n'est pas sans danger. Ouais. Alors, c'est l'engrenage. Absolument. Ce sont les années de sang qui commencent, pour reprendre l'expression d'un spécialiste de la région. Surtout à partir de 1989. Les attentats se multiplient. Attentats à la bombe contre des bâtiments officiels ou gouvernementaux, mais aussi des assassinats ciblés qui visent les dirigeants politiques ou même simplement des notables hindous. Et aussi des musulmans coupables d'entretenir des liens avec la puissance occupante. L'Inde. L'Inde qui est de plus en plus considérée comme étant une puissance colonisatrice. Et l'audace de ces mouvements ne connaît plus de limites. En 1989, par exemple, alors qu'un Cachemiri vient d'être nommé ministre de l'Intérieur du gouvernement indien, sa fille est enlevée. Et New Delhi doit céder aux ravisseurs qui réclament la libération de certains de leurs camarades emprisonnés. Ouais. C'est un aveu de faiblesse. Certainement. Et les autorités indiennes ripostent en nommant un dur au poste de gouverneur. Un homme à poigne qui est clairement chargé de réprimer et de mettre en place des lois d'exception. Et d'ailleurs, il ne tarde pas à faire la démonstration de son autorité. Lors d'une manifestation en 1990, il fait tirer sur la foule et on relève une centaine de morts. Il n'y a donc plus de gouvernement local, enfin, même s'il y a longtemps qu'il était de plus en plus fictif. Et il n'y a même plus de représentation nationale. Non. C'est New Delhi qui pilote en ligne directe la répression et envoie toujours plus de militaires au Jammu et Cachemire pour mener sa sale guerre. Une guerre dont les civils pris entre deux feux paient le prix fort. Il faudra malheureusement compter des dizaines de milliers de morts. Et comme dans tous les conflits de type coloniaux, on viole, on détruit des villages, on torture et on procède à des exécutions sommaires. Mais ça, c'est l'armée indienne. Mais de l'autre côté, on n'est pas tout blanc non plus, hein. Vous avez raison. Dans ce déchaînement de violence, chacun prend sa part. Et les résistants d'obédience islamiste n'hésiteront pas à massacrer des villageois soupçonnés d'acquaintance avec les Indiens. Ils imposeront aussi aux femmes le port de la burqa et défigureront à l'acide celles qui n'obéissent pas. Ouais, on est loin de ce que vous me disiez la semaine dernière, ça, la tolérance de l'islam soufi qui régnait autrefois parmi les musulmans cachemiris. Hein. En effet. Mmh. En effet, la violence s'est emparée de tout le Jammu et Cachemire. Et progressivement, les hindous, volontairement ou pas, sont conduits à évacuer leurs maisons et à quitter la vallée de Srinagar. Des centaines de milliers de personnes poussées dehors et qui doivent tout quitter. Et ça ressemble à une sorte de nettoyage ethnique. Hein. Ah ben ça y ressemble, oui. Les attentats, les combats entre maquisards et forces indiennes, les multiples exactions des uns et des autres ont peu à peu raison de l'harmonie qui régissait les rapports entre les différentes communautés religieuses. En plus, vous imaginez bien que l'économie est ruinée et que le tourisme, l'une des principales ressources du Cachemire, est maintenant réduit à néant. On ne va pas se promener dans un pays qui est à feu et à sang. Mmh. Je reviens là, c'est dommage, hein, parce qu'il paraît que c'est très beau. Enfin bon, je reviens à ce mouvement-là, le Front de Libération. Le JKLF. Ouais. Quelle est sa principale revendication, quoi? C'est la fin de l'occupation indienne? Exactement. C'est une organisation ouvertement indépendantiste. Et disons-le tout de suite, ce ne sera pas le cas des autres mouvements qui seront créés dans les années 90 et qui prendront de plus en plus d'importance. Ceux-là seront d'abord islamistes. Et avant d'être indépendantistes. Et pour une bonne raison. Ce seront la plupart du temps de pures créations des services secrets pakistanais, l'ISI. Ouais. Donc, anti-indien, mais surtout pas anti-pakistanais. Voilà, car l'objectif poursuivi par l'ISI, c'est de réaliser ce qui a été raté en 1965 et 1971, c'est-à-dire un soulèvement populaire préparant une invasion pakistanaise. Mmh. Et le rattachement de tout le Cachemire à Islamabad. Et ça mérite un petit retour en arrière. Mmh. Même si les Pakistanais l'ont toujours nié, il semble bien que peu de temps avant sa mort, en 1988, le président, le général Zia, ait préparé un plan qui éviterait les erreurs commises par ses prédécesseurs. Un mot quand même avant de poursuivre. Zia est mort en 1988 dans un accident d'avion. Oui, un accident très bizarre. Et vous pensez, car nous en avons déjà parlé, hein, que son avion a été saboté. En effet. En 1988, l'armée rouge est à la veille de quitter l'Afghanistan. Et certains militaires et membres des services secrets pakistanais pouvaient craindre que Zia, sous l'influence des Américains, ne change de politique et diminue son soutien aux islamistes afghans. Les talibans. D'autre part, Zia avait l'intention de procéder à un sérieux remaniement des forces armées. Alors, c'est pour ça qu'on l'aurait liquidé, quoi. C'est ce que je crois, mais enfin, reprenons. Alors, ce plan Zia, il se décline en trois points. Premièrement, il s'agit d'organiser la subversion Cachemire indien. Oui, mais comment? en infiltrant des agents pakistanais dans les principales institutions cachemiries et en aidant les groupes d'armées existants. Mais attention, cette révolte doit être mesurée, car il faut éviter que New Delhi ne réagisse de façon massive. Ouais. Deuxièmement, l'armée pakistanaise doit fixer les forces indiennes sur des zones extérieures à la vallée de Srinagar. Sur le glacier du Siachen, par exemple. Ce qui se fera, si je vous ai bien entendu. Hein. Oui, oui. Et au cours de cette phase, des moudjahidines afghans, établis dans le Cachemire pakistanais, passeront la frontière et seront chargés de détruire quelques installations stratégiques, aéroports, stations de radio, etc. Mm-hmm. Et le troisième point? C'est l'action armée. Une action possible grâce aux stocks d'armes et de munitions américaines envoyées aux moudjahidines afghans, mais qui ont été détournées par l'armée pakistanaise. Cette étape doit se terminer par l'établissement d'un État islamiste sur tout territoire cachemiri. Mais ce plan ne tient pas compte d'éventuelles réactions internationales, hein, car il s'agit bien d'une agression. Ah ben, Zia a tout prévu. Il compte d'abord sur son alliance avec la Chine. La Chine qui peut à tout moment menacer l'Inde dans les zones frontalières. Quant aux États-Unis, ils fermeront les yeux car ils sont trop attachés au maintien des bases aériennes qu'ils possèdent au Pakistan. Et remarquons-le tout de suite, malgré la mort de son initiateur, tout laisse penser que ce plan a commencé à être appliqué. Cachemire, le paradis perdu. Tel est le titre d'un ouvrage de Claude Harpy, publié par les éditions Philippe Piquier. L'auteur évoque le plan Zia. Le général président l'aurait présenté lors d'une réunion à son domicile devant une brochette de gradés et de responsables des services secrets, et il aurait commencé ainsi, je cite. Messieurs, ne faites pas l'erreur de croire que notre objectif n'est pas clair et ferme, c'est la libération de la vallée du Cachemire. Nos frères musulmans au Cachemire ne peuvent pas rester sous le joug de l'Inde plus longtemps. Dans le passé, nous avons entrepris des actions militaires mal préparées, et elles ont échoué. Alors maintenant, nous garderons les opérations militaires pour le dernier moment, comme un coup de grâce quand et où cela sera nécessaire. Nos frères cachemiris dans la vallée, même s'ils sont avec nous de cœur et d'esprit, sont des gens simples et ne s'engagent pas facilement dans ce type d'activité militaire contre une invasion étrangère de la façon dont un Punjabi ou un Afghan, par exemple, pourra s'impliquer, pour ainsi dire, naturellement. Le Cachemiri a quand même quelques qualités que l'on peut exploiter. Tout d'abord, sa sagacité et son intelligence. Ensuite, son pouvoir de persévérance sous la pression. Et enfin, si je puis dire, c'est un maître en intrigue politique. Si nous lui fournissons les moyens d'utiliser au mieux ces qualités, nous pourrons avoir des résultats. Mais il faut ajouter que pour les Pakistanais, ce discours et le plan Zia sont de pures inventions des services secrets indiens. Qu'en pense M. X ? C'est très troublant. Certes, les Indiens avaient d'excellentes raisons de dénigrer Zia. C'était de bonne guerre, si je puis dire, mais malgré la mort du général président et l'arrivée au pouvoir de la fille de Bhutto, Benazir, on constate que tout se passe comme l'avait prévu le plan Zia. Enfin, inutile d'y revenir, puisque je vous ai déjà parlé du chaos qui s'installe progressivement au Jammu et Cachemire. Un chaos, donc, prévu par ce plan Zia. Oui, oui, oui, ça signifie aussi qu'au Pakistan, le pouvoir civil est impuissant à juguler l'action de l'armée et des services secrets. Alors, après ce retour en arrière, revenons à l'évolution des événements au Cachemire dans les années 90. Pour les services pakistanais, qui, vous l'avez compris, mènent la danse, il faut, en priorité, étouffer le mouvement du JKLF. Ouais, parce qu'il est indépendantiste. Bien entendu. Pour Islamabad, le Cachemire doit être un État islamiste très étroitement associé au Pakistan. Et même quasiment intégré. C'est cela, oui. Même si les Pakistanais disent le contraire. Enfin, quoi qu'il en soit. Pour arriver à leur fin, ils vont susciter la création d'autres organisations anti-indiennes et, naturellement, d'inspiration islamiste. Alors, voyons ça dans le détail. Enfin, pardonnez-moi, c'était peut-être un petit peu compliqué, d'autant plus compliqué que certains de ces mouvements vont se concurrencer et ce sera parfois violent. Mais les morts. Oui. Il y a d'abord le mouvement des Moudjahidines, une organisation qui regrouperait 1500 combattants armés. Mais vous employez le conditionnel quand même. Hein. Bien sûr, parce que tous ces mouvements clandestins ont tendance à faire de la surenchère lorsqu'il s'agit de compter leurs militants. Cette formation, en tout cas, est authentiquement cachemiri. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne bénéficie pas de l'aide pakistanaise. Ensuite, il y a le mouvement du djihad islamique, une organisation qui a connu de nombreuses scissions. Ouais, ça complique encore un peu plus ces choses-là. Alors, pour faire plus simple, disons que ce mouvement du djihad a été créé en Afghanistan par des moudjahidines pakistanais. Mmh. Donc, pendant la guerre contre l'armée rouge. C'est ça. Mmh. Un homme va émerger d'une des filiales de cette organisation, un certain Massoud Azhar, qui a combattu aux côtés de Ben Laden, puis l'a suivi au Soudan. Ce Massoud Azhar, citoyen pakistanais, sera arrêté au Cachemire indien. Quand ? En 1994. Mais sera rapidement libéré après le détournement d'un avion d'Indian Airlines par des partisans de son mouvement. Puis, il créera une autre organisation, l'armée de Mahomet, une formation très proche de l'ISI, les services secrets pakistanais. Et même s'il a été arrêté à plusieurs reprises par la police du président Musharraf... Musharraf, le président actuel du Pakistan. Oui, je suis persuadé qu'il est toujours en relation avec l'ISI. C'est très important, parce que cet homme a une grande audience dans la diaspora pakistanaise de Grande-Bretagne. Et là, vous pensez aux récents attentats dans le métro de Londres? Évidemment. Même si ce type, qui appartient certainement à la nébuleuse Al-Qaïda, n'est peut-être pas le véritable commanditaire, ou le seul. Alors, justement, venons-en à un autre mouvement, l'armée des purs. Une organisation créée par le palestinien Abdullah Azzam. L'homme qui a été le mentor de Ben Laden. Encore Ben Laden? Eh oui, car il ne fait nul doute qu'Al-Qaïda a fait du Cachemire l'un de ses terrains d'action favoris. Cette armée des purs, donc, est le bras armé du centre de prédication et d'orientation. Une organisation religieuse qui entend débarrasser le Pakistan des influences hindoues. C'est un mouvement puissant qui gère des dizaines d'écoles religieuses, mais aussi des entreprises, et dont le financement est assuré par de riches hommes d'affaires pakistanais installés en Grande-Bretagne, mais aussi, vraisemblablement, par des Saoudiens. Alors, cette armée des purs intervient au Cachemire. Et c'est certainement la formation qui s'est battue le plus durement contre l'armée indienne, et qui continue d'ailleurs. Ses dirigeants ont revendiqué avoir tué près de 15 000 soldats indiens entre 1989 et 2000. Et c'est sans compter les victimes civiles. Des femmes et des enfants égorgés parce qu'ils ne respectaient pas la loi islamique. En outre, l'armée des purs a aussi commandité de nombreux attentats en Inde même. Les derniers s'étant produits à New Delhi fin octobre 2005. Revenons là, les attentats de Londres. L'armée des purs est certainement impliquée puisque les auteurs de ce massacre avaient été entraînés dans un de ces camps. Mais idéologiquement, là, que cherchent ces gens? Pour eux, le djihad au Cachemire ne représente qu'une étape. Ce qu'ils veulent, c'est la libération totale de l'Inde. Pour eux, ça veut dire islamisation. Naturellement. Mmh. Un préalable avant la conquête du monde entier qui deviendra un nouveau califat. Oui, enfin bon. Et là encore, ça ressemble à du Ben Laden. Bah, évidemment, même si c'est complètement délirant. Mais ces fanatiques doivent quand même être pris au sérieux. Au Pakistan et dans de nombreux autres pays musulmans, ils ont tissé des réseaux fondamentalistes bien structurés et très influents. Alors, tu y retournerais. Alors, vous m'avez dit que le plan Zia, s'il a réellement existé, il y a quand même un doute, avait déjà commencé à être appliqué. Et en particulier grâce à ces organisations islamistes armées, manipulées par les services secrets d'Islamabad. Mais la suite alors? Eh bien, ça devait être une des actions proprement militaires. Alors écoutez bien. En 98-99, on observe un certain dégel entre les deux frères ennemis pakistanais et indiens. Et ça semblait presque inévitable. Pourquoi? Parce que ces pays étaient désormais en possession de la bombe atomique et des vecteurs permettant de la transporter. Ouais. Donc un nouveau conflit pouvait avoir des conséquences dramatiques. Et ce dégel se traduit de quelle façon? On se parle. Les ministres des Affaires étrangères se rencontrent. Et le premier ministre indien se déplace même au Pakistan. À Lahore, très précisément, pour l'inauguration d'une ligne d'autocar entre Islamabad et New Delhi. La première qui ait jamais existé depuis l'indépendance. Et à cette occasion, Pakistanais et Indiens affirment vouloir résoudre tous leurs différends, à commencer par la question Cachemiri. Et d'une même voix, ils condamnent le terrorisme. Ça veut dire que des négociations commencent effectivement? Tout à fait. Mais dans le même temps, au mois de mai 1999, des bergers cachemiris qui gravissent la montagne avec leurs troupeaux découvrent, par hasard, que l'armée pakistanaise occupe des terres stratégiques dominant la route qui conduit au Ladakh et au Siachen. Alors, un territoire qui se trouve dans la partie dévolue à l'Inde. Oui, c'est-à-dire de l'autre côté de la ligne de contrôle. Certes, ces terres sont désertiques et inhabitées, mais New Delhi ne peut accepter que cette route stratégique soit sous contrôle pakistanais. Oui, alors l'Inde passe à l'action. Elle se donne quand même 3 semaines avant d'envoyer ses avions bombarder massivement les positions pakistanaises. Et c'est une nouvelle guerre, alors? Appelée la guerre de Kargil. mais heureusement limité dans le temps et dans l'espace. Il faut en effet 6 semaines pour déloger les troupes pakistanaises. Mmh. Alors, que s'est-il vraiment passé là? Était-ce le début de l'application de la troisième partie du plan Zia? Franchement, non, je ne crois pas. Et il y a plusieurs explications possibles. Les dirigeants pakistanais ont peut-être voulu tester les réactions indiennes alors que la dissuasion nucléaire imposait aux deux frères ennemis un statu quo. Dangereux quand même ça. Là, je suis d'accord. Autre explication. L'armée et les services secrets pakistanais ont cherché à saboter les négociations en cours. Enfin, il n'est pas impossible que ces militaires aient été encouragés à franchir la ligne de contrôle par des djihadistes. Car effectivement, il y avait des djihadistes parmi les soldats pakistanais. Enfin, quoi qu'il en soit, l'Inde a dénoncé la mauvaise foi et la trahison pakistanaise. Ouais, et les conséquences? La méfiance et l'hostilité se sont à nouveau installées entre les deux États. Et le Jammu et Cachemire a plongé de plus belle dans la violence. Et il n'est pas inintéressant de noter que l'homme qui a sans doute la responsabilité de l'incident de Kargil, c'est-à-dire le chef de l'armée pakistanaise, le général Musharraf, prendra le pouvoir 1 an plus tard à la faveur d'un putsch. Et ça signifie quoi alors selon vous? Pour réussir son coup, Musharraf s'est appuyé à la fois sur le mécontentement de l'armée et des islamistes. En effet, l'échec de l'opération de Kargil, c'est-à-dire la reculade du Pakistan, avait été vécu comme une trahison. Mais vous le savez bien, après les attentats du 11 septembre, Musharraf, sous la pression états-unienne, devra s'en prendre à ses alliés d'hier et suspendre un certain nombre de mouvements islamistes. Ouais. Avec des fortunes diverses, quand c'est même. C'est vrai, car le serpent est toujours à l'intérieur, dans les services secrets. Le tremblement de terre d'octobre 2005 arrivera-t-il à faire ce que ni les politiques, ni les instances internationales n'ont réussi à obtenir, c'est-à-dire l'instauration de la paix au Cachemire? C'est peu probable, si j'en crois ces quelques lignes du journal Le Monde publiées en novembre 2005. Pour le président Musharraf, cette ouverture de la ligne de contrôle, la LOC, pourrait être une occasion supplémentaire d'ancrer dans les esprits son concept de frontière souple entre les deux parties du Cachemire. Même s'il affirme toujours que la LOC ne peut être la solution finale, c'est-à-dire devenir la frontière internationale entre l'Inde et le Pakistan, le général Musharraf s'est peut-être rendu à l'évidence que l'Inde n'irait pas au-delà de cette solution. Depuis la reprise du dialogue, l'Inde n'a pas bougé d'un iota sur le Cachemire et comme l'a souligné le ministre indien de la Défense, Pranab Mukherjee, le séisme du 8 octobre ne peut pas modifier une histoire de plus de 50 ans.